Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Croissant fertile, cultiver les premiers empires. En janvier 1928, le Monde colonial illustré, revue mensuelle, commerciale, économique, financière et de défense des intérêts coloniaux, s'intéresse au croissant fertile. La civilisation grecque, dont la nôtre est la fille, peut-on y lire, n'était pas elle-même autonome. C'est dans le croissant fertile de l'Égypte, de la Syrie et de la Mésopotamie où un climat plus heureux, soustrait aux rigueurs des périodes glaciaires, a permis aux hommes de former de grandes agglomérations durables et prospères. Puis dans les îles de l'Égée que sont nées les grandes civilisations dont la Grèce s'est nourrie. Que s'est-il passé dans le croissant fertile ? Francis Johannes, bonjour. Bonjour. J'utilise l'expression « croissant fertile » pour ouvrir cette émission. Quel avis avez-vous sur cette expression qui nous évoque tout de suite une forme et puis l'idée d'agriculture avec la fertilité ? Elle est tout à fait appropriée, même si elle date maintenant un petit peu. Elle décrit très bien, effectivement, cet ensemble géographique qui part de l'Égypte, qui remonte le long de la côte méditerranéenne, qui suit la frontière méridionale de la Turquie actuelle et puis qui redescend donc vers l'Irak. C'est l'endroit où l'agriculture est possible, effectivement, du point de vue climatique et du point de vue géographique au Proche-Orient depuis les origines jusqu'à nos jours. Oui, parce que dans l'expression croissant fertile, nous avons la forme, donc l'idée d'un espace géographique, nous avons l'idée de fertilité, l'agriculture, il manque peut-être la chronologie. Tout ne se passe pas de la même manière dans ce croissant. Non. C'est une zone qui est effectivement particulièrement importante parce que c'est sans doute là que se sont développés les premiers types d'agriculture dont nous avons la trace, en fait, que nous pouvons reconstituer. Et il faut distinguer, en effet, entre la partie sommitale du croissant fertile, pourrait-on dire, où on pratique ce qu'on appelle l'agriculture sèche, c'est-à-dire celle qui dépend uniquement des précipitations, qui est celle que nous connaissons, nous, en Europe occidentale. Et puis, ces deux pointes le long de la vallée du Nil et entre le Tigre et l'Euphrate, qui, elles, pratiquent l'agriculture irriguée, qui est une autre particularité de ce croissant fertile. Dans la chronologie, bien sûr, l'agriculture sèche est antérieure à l'agriculture irriguée. Absolument, et c'est celle qui se développe au moment de ce qu'on appelle la révolution néolithique, justement avec le passage aux pratiques agricoles, ensuite à la sédentarisation. Et donc c'est sans doute dans cet endroit du monde que s'est développée la première agriculture permanente. Vous évoquez la sédentarisation. La naissance de l'agriculture est-elle liée à la sédentarisation ? Autrement dit, est-il possible d'être encore nomade et de pratiquer l'agriculture ? Alors, pendant longtemps, on a pensé que mécaniquement, le fait de pratiquer l'agriculture impliquait la sédentarisation. On s'est rendu compte, en fait, que c'était beaucoup plus nuancé et qu'on a toute une palette d'activités, en fait, avec des populations qui associent à la fois l'ancien mode de chasseur-cueilleur et puis les ressources agricoles. Et avec des possibilités, quelquefois, de retour en arrière, c'est-à-dire que quand les conditions climatiques en particulier se dégradent, eh bien, les gens quittent leur environnement agricole et repartent à ce moment-là mener un mode de vie nomade. Et l'invention de l'agriculture est nécessaire pour une narration épique de l'histoire de l'humanité. Il y a 12 000 ans, l'homme prend soudainement un tournant décisif. Il quitte sa vie de nomade pour s'installer dans les premiers villages. Il invente bientôt l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, le commerce et l'alliage des métaux. Les religions, l'architecture, la médecine. Sur son chemin, de nombreuses épreuves l'attendent. La propriété engendre les premières guerres. Le bétail provoque des épidémies ravageuses. La surpopulation cause des famines. Mais Homo sapiens continue. Alors, dans cet extrait du Sacre de l'Homme, le film documentaire de Jacques Malaterre, c'était en 2007, Francis Johannes, nous avons presque une lecture d'enchaînement logique, où tout part par l'invention de l'agriculture. En fait, tous ces mouvements sont concomitants, il se passe plein d'éléments, tout va de pair. Voilà, il y a eu beaucoup d'interactions entre tous ces différents éléments, mais on n'est plus aussi, à considérer qu'il y a un enchaînement régulier de causes et de conséquences. Non, c'est un faisceau en fait d'éléments qui se sont mis en place, et selon les régions, effectivement, ça n'a pas fonctionné toujours de la même façon. Par exemple, l'agriculture s'est développée plus tard dans les zones irriguées parce que ça implique un autre mode d'utilisation du sol, enfin le recours en particulier à cette irrigation fait que c'est un autre type d'exploitation que l'agriculture sèche. En l'état actuel de la recherche, où pouvons-nous situer la naissance de l'agriculture ? Alors, peut-être plusieurs endroits en même temps, je ne sais pas. Alors, pour ce qui est donc de l'agriculture sèche, c'est lié à la révolution néolithique. Donc, c'est à partir de 12 000, oui, enfin, aux alentours de 10 000. Et puis, pour l'Égypte ou pour la Mésopotamie, c'est beaucoup plus tard, semble-t-il, plutôt vers le 7e ou le 6e millénaire. Pour la Mésopotamie, nous avons ici une agriculture antérieure à celle de l'Égypte, ou est-ce une agriculture qui se développe dans le même mouvement ? Non, c'est à peu près concomitant. De la même façon que, curieusement, l'invention de l'écriture s'est faite à quelques dizaines d'années près, au même moment, en Égypte et en Mésopotamie, sans qu'il y ait là d'influence de l'une sur l'autre. Donc, semble-t-il, c'est un mécanisme qui s'est mis en place dans les deux régions, concernant aussi bien l'agriculture que d'autres phénomènes sociaux ou culturels. Adeline Batz est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes égyptologue, chercheuse associée à l'Université Paris-Sorbonne, et vous travaillez sur l'agriculture dans l'Égypte antique. L'agriculture sèche ne laisse pas tellement de traces. Ah, si, elle en laisse, bien sûr. Mais de quelle source bénéficiez-vous, hors de toutes ces infrastructures gigantesques quand il s'agit de procéder à de l'irrigation? Alors, l'agriculture sèche est très peu présente en Égypte ancienne, puisqu'on parle surtout d'agriculture de décrue d'hiver, puisque l'invention, en tout cas l'acquisition de l'agriculture dans la vallée du Nil, se fait surtout avec un rapprochement sur les berges du fleuve, mais aussi un certain contrôle de celui-ci. Donc on a surtout une agriculture d'hiver qui est liée à la crue du Nil, beaucoup plus présente qu'une agriculture sèche. C'est une agriculture qui se développe autour du Nil, mais qui n'est pas comparable avec celle de la Mésopotamie. Adeline Batz, vous nous le dites bien, il y a ce fleuve avec ses crues qui permet d'avoir une irrigation presque naturelle dont peuvent bénéficier les Égyptiens. Oui, c'est effectivement très pratique pour l'Égypte, puisqu'on s'est rendu compte que le cycle naturel du Nil était tout à fait en adéquation avec le cycle naturel de certaines céréales. Et ce sont effectivement ces céréales-là, donc l'orge commune et le blé amidonier, qui seront cultivées durant près de 3000 ans dans la vallée du Nil. Donc il y a vraiment un lien entre le choix des espèces cultivées et le cycle naturel de l'environnement. Nous réfléchissons dans le cours de l'histoire cette semaine sur l'histoire des paysans comme acteurs du progrès. Mais pour maîtriser un fleuve, alors non pas le maîtriser au sens le canaliser, mais connaître son fonctionnement, bien cela nécessite beaucoup de connaissances. L'agriculture ici est moteur pour la compréhension du monde. Ici, c'est la compréhension d'un fleuve. Oui, effectivement, il a bien fallu connaître le calendrier agricole, ou en tout cas acquérir assez d'informations pour pouvoir maîtriser le cycle, ou au moins s'en accommoder. Et c'est ce que les Égyptiens ont fait durant le fin 6e, 5e, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Avec quelles sources dont vous disposez ? Il y a les sources de l'archéologie. Du point de vue des écrits, parce que nous réfléchissons à cette transmission de connaissances sur le fonctionnement du Nil, y a-t-il des écrits ? Alors, les premières sources qui permettent de documenter cette agriculture des temps anciens en Égypte sont essentiellement des sources archéologiques. Et là, quand je dis archéologiques, ce sont surtout des macro-restes végétaux qui permettent de comprendre l'arrivée de ces céréales domestiques qui proviennent du Proche-Orient, qui ne sont pas du tout inventées en Égypte. Donc, c'est une importation de certaines céréales et d'autres espèces d'ailleurs animales ou végétales. Donc, ce sont les macro-restes végétaux que l'on trouve sur les sites archéologiques qui documentent cette transition civilisation-là. Et il faut attendre seulement le troisième millénaire pour commencer à avoir des écrits qui nous parlent de ces cultures, mais ce sont essentiellement des documents de la pratique, donc surtout pas des traités comme on peut avoir à l'époque gréco-romaine, mais seulement des listes de livraisons, des bordereaux de livraison ou encore des lettres administratives. Donc ce sont des informations qui sont relativement ténues. Néanmoins, on a quand même la chance en Égypte d'avoir énormément de représentations iconographiques, de scènes dites de la vie quotidienne que l'on retrouve dans les tombes. Néanmoins, ces scènes sont quand même à prendre avec précaution puisqu'elles livrent plutôt une image assez normée, assez idéale de la campagne égyptienne. Et puis l'Égypte a la chance surtout d'avoir le Nil. Oui, la crue du Nil essentiellement. La vie traverse la mort et la transforme en une vie autre. Ainsi le Nil traverse et transforme le désert. C'était le seul allié des hommes d'Égypte. L'énergie qui leur permettait de s'unir, d'édifier leur empire, leur ordre, leur sagesse. Encore fallait-il inventer l'usage de l'eau. Le calendrier annuel commençait avec l'inondation. Mais les crues du Nil sont capricieuses. On dut apprendre à les maîtriser, à irriguer le plus large espace, à bien répartir le limon qui féconde, à modeler le sol, d'où venait le plus long des fleuves. On croyait qu'il sortait d'une mer située à la périphérie de notre monde. Son esprit était divinisé. C'était le dieu Hapi auquel on dédiait cet hymne. Tu es l'unique, celui qui se crée de lui-même sans qu'on en connaisse l'essence. Au jour où tu sors de ton antre, chacun est mis en joie, tu es le maître des poissons et des céréales. C'est en 1961 que le Nil était présenté dans l'émission Terre des Arts. Francis Johannes, l'Égypte a un fleuve, le Nil, vous êtes spécialiste de la Mésopotamie, vous en avez deux, le Tigre et l'Euphrate, mais ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Non, et en particulier du point de vue des crues, les crues du Tigre et de l'Euphrate ne sont pas du tout bénéfiques pour l'agriculture puisqu'elles sont liées à la fonte des neiges en Anatolie, donc l'est de la Turquie actuelle. Donc les fleuves ont leur crue beaucoup plus tôt qu'en Égypte, à la fin du printemps, c'est-à-dire au moment précis où on commence les moissons. Donc on peut les utiliser à ce moment-là pour transporter les récoltes, par exemple, en ville. Mais si la crue est trop importante, à ce moment-là, elle risque de noyer les moissons. Et c'est contre-productif, disons, en termes de rendement agricole. Comme pour l'Égypte, cela nécessite une grande connaissance du cycle de ces fleuves. C'est très important, ça aussi, dans toutes les sources dont vous bénéficiez, Francis Johannes, en Mésopotamie, elles sont très nombreuses, des sources écrites. Oui, alors donc tout ce qui est fourni par les tablettes cunéiformes qui ont été retrouvées depuis le 19e siècle dans le sol de l'Irak et puis de la Syrie. Et on voit très bien, maintenant qu'on reconstitue l'histoire depuis ses origines en Mésopotamie, que c'est une somme de connaissances pour les techniques agricoles qui s'est accumulée petit à petit. Certaines parties ont été mises par écrit. Alors en général plutôt de façon littéraire, enfin par le biais de mythes ou de récits liés à des récits épiques, et puis une partie manifestement beaucoup plus pragmatique, enfin qui était un savoir qui s'est transmis directement de père en fils. Et ce savoir est extrêmement complexe parce que pour la Mésopotamie il y a l'irrigation. L'irrigation, c'est allez, on creuse un canal et on fait venir de l'eau, mais c'est en fait extrêmement complexe à mettre en place. Oui, parce que il faut tout un réseau de canaux, il faut que il soit entretenu, il faut ensuite répartir l'eau entre les différentes terres, pratiquer ce qu'on appelle l'irrigation par gravitation, c'est-à-dire l'eau qui s'écoule d'une extrémité du champ à l'autre, et éviter qu'elle stagne trop, parce que sinon, à ce moment-là, il y a un phénomène qu'on appelle la salinisation, c'est-à-dire que les sels qui sont contenus dans l'eau se remontent en surface et brûlent les récoltes au lieu de permettre le développement justement de la végétation. Nous multiplions les contraintes en discutant parce que l'eau, nous l'entendons, doit passer sur des terrains qui n'appartiennent pas à celui qui va en bénéficier tout au bout du canal, nécessite aussi la bonne connaissance du fonctionnement, mais aussi des graines à planter, des cultures, parce que tout ne réagit pas de la même manière avec l'eau. Absolument, et c'est pour ça que la Mésopotamie est la terre de l'orge qui est là vraiment la céréale principale, parce que l'orge résiste mieux à des terres salées que le blé, par exemple. Ça, on s'en est rendu compte. Ça n'est que beaucoup plus tard que la culture du blé s'est répandue et s'est installée de façon plus importante. L'orge qui est utilisée vient évidemment de la nature, mais il y a une adaptation, une sélection qui s'est opérée. Oui, alors on le constate à travers les études de palynologie, mais ça n'est pas retranscrit dans les textes. Ça fait partie effectivement de cette accumulation de savoir qui s'est faite au fil des générations. Et puis pour savoir un peu comment cultiver en Mésopotamie, quoi de mieux que de lire l'Almanach du fermier? Au temps jadis, un fermier donna ses conseils à son fils. Quand tu seras sur le point de cultiver ton champ, prends soin d'ouvrir les canaux d'irrigation de telle sorte que l'eau ne monte pas trop haut dans le champ. Quand tu l'auras vidé de son eau, veille sur la terre humide du champ afin qu'elle reste plane. Ne laisse aucun bœuf errant la piétiner. Chasse les rôdeurs et que l'on traite ce champ comme une terre compacte. Défriche-le avec 10 houes étroites, ne pesant pas plus de 2/3 de livre chacune. Son chaume devra être arraché à la main et lié en gerbe. Ses trous étroits devront être comblés à la herse, et les 4 côtés du champ seront clos. Pendant que le champ brûle au soleil d'été, qu'on le divise en parties égales. Que tes outils bourdonnent d'activité. La barre du joug devra être consolidée. Ton nouveau fouet fixé par des clous et la poignée de l'ancien réparée par les enfants des ouvriers. Un extrait de l'Almanach du fermier. Nous sommes au 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est une lecture dans le cours de l'histoire de Marion Malenfant qui est évoquée. Alors là aussi, nous avons de la technique avec des matériaux. Il y a le joug, bien sûr. Il y a des houes. Alors c'est vrai que 10 houes étroites, c'est un mot qu'on utilise peu dans le langage quotidien. C'est une sorte de pioche. Le regard que vous portez, Francis Johannes, sur ces évolutions techniques touche le matériel également. Oui, bien sûr. Et ce que l'on constate, c'est une très grande permanence, enfin une fois que sont fixées les formes des outils les plus efficaces, donc la houe en particulier, et puis aussi la bêche, alors qu'il y a une forme particulière, c'est une bêche triangulaire qu'on trouve encore dans les campagnes irakiennes actuellement, qui permet effectivement de remuer le sol, qui est quand même très argileux, donc qui est lourd, qui est difficile à travailler, surtout quand il a été humidifié. Et donc ces outils, la forme de ces outils ou des faucilles aussi, par exemple, sont fixés au 4e ou 3e millénaire, et ensuite se subsistent jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne. Le seul changement notable étant le passage des outils en pierre aux outils en bronze et ensuite en fer, qui évidemment, à ce moment-là, les rend plus efficaces. Oui, parce que la mise en place de ces outils est le fruit d'une longue pratique, et c'est là, dans ce qui nous intéresse, cette histoire paysanne, que nous sentons combien le regard porté par ceux qui sont les acteurs de ces évolutions est très important. Et quand vous évoquez ces outils, Francis Johannes, il y a un écho à aujourd'hui. Ils sont toujours aussi valables. Ce sont les mieux adaptés à ce sol-là. Oui, et puis le fait qu'il soit en métal, ça représente quand même un gros investissement en termes de richesse. Donc tout le monde n'a pas la disposition de ces outils, et ça nous amène effectivement à envisager aussi la part que prennent ce qu'on appelle les grands organismes, c'est-à-dire le palais royal ou les grands temples en Mésopotamie, qui sont les seuls à avoir les ressources nécessaires pour pouvoir justement disposer de stocks d'outils qu'ils distribuent à leurs ouvriers sur les terres qu'ils exploitent. Mais on voit par exemple dans le cas du bronze que les faucilles qui sont utilisées au moment de la moisson sont ensuite récupérées, refondues, transformées alors éventuellement en armes s'il y a besoin d'aller faire la guerre, ou en autres outils. Et il y a un cycle comme ça de réutilisation systématique du métal. Adeline Batz, qu'en est-il pour l'Égypte? Il y a, ce que nous venons de dire pour la Mésopotamie, un regard porté et le choix des meilleurs céréales à planter pour cultiver des meilleurs outils. L'Égypte est en observation de ce qui se passe autour. Elle peut adapter des pratiques qu'elle peut voir en Mésopotamie. Alors effectivement, comme l'Égypte a acquis l'agriculture beaucoup plus tardivement, elle a d'abord importé énormément de céréales, toutes celles qui étaient connues au Proche-Orient. Et durant toute la phase de néolithisation de la vallée du Nil, on se rend compte que les agriculteurs égyptiens ont essayé de cultiver différentes céréales. Donc on a parlé de l'orge commune et de l'amidonier, mais ils essayent aussi le blé dur, ils essayent aussi le froment. Et c'est très rapidement, au bout de quelques centaines d'années, qui se fixent seulement sur deux céréales. Donc c'est bien qu'ils ont fait un choix à un moment donné en estimant que ces deux céréales-là étaient les plus adaptées à leur environnement. Et le choix des outils, le choix du calendrier agraire vont être faits en fonction de ces deux céréales. Par exemple, l'orge commune et le blé amidonier sont des céréales relativement résistantes. Donc Francis Johannes l'a bien dit, l'amidonier est un peu plus fragile que l'orge commune, mais ça reste quand même une céréale relativement rustique. Et les Égyptiens vont essayer d'avoir un outillage qui permet de faire en sorte de maintenir un maximum d'humidité dans le sol, de façon à ce que ces céréales-là puissent pousser sans apport d'eau extérieure, notamment d'une grosse irrigation telle qu'on la connaît au Proche-Orient, ou encore tout simplement de pluie. Donc il y a vraiment une volonté d'optimisation de l'agriculture pour un meilleur rendement. Et quand nous comparons le cas mésopotamien et le cas égyptien, Adeline Batz, par rapport aux outils, parce que là aussi, tant par l'archéologie que par les représentations, nous avons beaucoup d'informations, nous trouvons des points communs. Il y a une diffusion des mêmes outils ou une adaptation systématique de l'outil à la zone. Alors un peu les deux, c'est vrai que c'est assez proche en termes de technologie. On connaît bien sûr ces fameuses houes, alors ces fameuses houes à pic ou ces houes relativement fines. Il y a aussi des houes à soc large, donc des houes plus petites mais beaucoup plus larges avec une emprise beaucoup plus importante sur le sol. Ça c'est assez commun avec le Proche-Orient. La différence c'est qu'il n'y a pas d'arrière-semoir. Alors, c'est un outil qui est très spécifique à la Mésopotamie qui permet de fendre la terre et de semer en même temps en sillon. Ça c'est la grosse différence pour les semailles en Égypte, puisque l'arrière est bien sûr connu, mais ça va être un semeur qui va semer à la volée juste à côté de l'arrière. Donc ça, c'est un peu une différence notable. De même, nous n'avons pas non plus de bêche en Égypte, puisque effectivement, l'intérêt pour le paysan égyptien est de surtout pas trop retourner la terre, puisqu'en retournant la terre, il va faire aérer cette terre et donc faire évacuer l'humidité. L'Égyptien va vraiment essayer de capitaliser sur l'eau engorgée dans les terres lors de la crue du Nil, d'autant plus que la nappe phréatique qui est sous-jacente au Nil, est encore gonflée d'eau dans les périodes d'hiver, donc au moment des semis. Donc lors de la croissance de ces céréales, l'Égyptien souhaite surtout avoir énormément d'eau dans ce champ, et c'est pour ça que les crues importantes du Nil sont vraiment favorables à l'agriculture et que, au contraire, une mauvaise crue c'est synonyme de disette voire de famine. Conséquence évidemment sociale en cas de mauvaise récolte, une récolte qui mobilise beaucoup de monde. La belle tombe était creusée pour le roi ou le riche sans doute, et c'était sa fastueuse existence qu'il fallait retracer sur les murs. En convoi funèbre, en aventure de chasse ou de guerre, en travaux des champs, il fallait le montrer entouré de ses esclaves, de ses travailleurs agricoles, de ces animaux familiers, dire comment on faisait pousser son blé. C'est en 1979, dans l'émission Les Piliers de la Sagesse, l'Égypte, sur la première chaîne de télé française, qu'il était question de ces esclaves. Au moment de regarder l'iconographie sur les murs d'une tombe, il y a le maître et ses esclaves, Anit Batz. Mais qui sont ces paysans dans l'Égypte antique? Sont-ils vraiment esclaves? Alors, ils ne sont pas vraiment esclaves au sens gréco-romain du terme, puisque ce sont deux structures sociales complètement différentes entre l'Égypte ancienne et l'Antiquité classique. Donc, on ne parle pas réellement d'esclaves. Après, le problème, ça va être de situer le curseur entre des personnes affiliées à d'autres personnes, notamment des grands aristocrates, et aussi des grands fermiers. Et là, tout est la difficulté, puisque les sources sont relativement peu informatives par rapport au statut réel de ces agriculteurs. En faisant des recherches recherches relativement poussées, on se rend compte en fait qu'il y avait un panel relativement important de personnes qui cultivaient la terre. On a des personnes dans les champs, donc ces ouvriers agricoles qui pouvaient avoir différents statuts de dépendance, puisqu'ils pouvaient dépendre d'un grand domaine. Et donc là, effectivement, leurs droits sociaux sont difficiles à comprendre. Mais on connaît aussi des grands cultivateurs, des grands fermiers qui, eux, semblent relativement indépendants. Et on connaît aussi des grands domaines agricoles qui appartiennent au temple et aux palais royaux. C'est essentiellement d'ailleurs ceux-là qui sont documentés par les sources écrites. Mais parmi tous les paysans mentionnés dans la littérature égyptologique ou dans les sources de la pratique, on a vraiment un panel relativement large de ces acteurs. Et ce que nous pouvons dire, Adeline Batz, surtout, c'est que bien souvent, au moment de regarder l'Égypte antique, nous parlons des pharaons, nous parlons des scribes, nous voyons des généraux, mais que l'immense majorité de la population est une population qui vit des champs, et c'est une population paysanne. Oui, effectivement, on a une immense majorité de la population qui vit dans le monde rural, même si on connaît des villes ou des petits villages avec des centres urbains, avec des artisans, avec peut-être aussi des commerçants, probablement d'ailleurs, qui sont aussi peu documentés. On a quand même une grosse partie de la population qui vit du travail de la terre et qui passe la grosse majorité de son temps dans les champs. Le croissant fertile cultivait les premiers empires entre l'Égypte antique, entre la Mésopotamie. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Francis Johannes, qu'en est-il à Babylone du statut de ces paysans? Là aussi, quand nous évoquons la Mésopotamie, nous voyons ces prêtres rois avec leur barbe imposante et imaginons une population entièrement esclave. Non, la situation là était à peu près la même qu'en Égypte, c'est-à-dire que l'esclavage ne concerne en fait que la domesticité familiale. Et dans les champs, enfin ou dans la campagne, ce sont essentiellement des dépendants. Alors on utilise le terme de dépendant qui est assez général. Ce qui correspondrait peut-être le mieux, c'est l'idée de servage, c'est-à-dire analogue aux serfs de l'Europe médiévale, des gens qui sont attachés à la terre. Et dans les personnels des temples en particulier, qui sont bien documentés parce qu'on a souvent retrouvé des archives dans les temples, ces personnels sont entretenus par le temple sous forme de rations d'entretien et en échange évidemment doivent un travail agricole au service du temple. Mais là, c'est à peu près la même chose pour les serviteurs de la couronne, enfin sur les terres du palais. Car au moment de réfléchir à ces échanges, il faut rappeler que dans ces civilisations, il n'y a pas la monnaie telle que nous l'entendons. Beaucoup d'échanges et dès lors, l'agriculture est essentielle parce que cela permet de quantifier ce que nous échangeons. Oui, on connaît l'argent. Il sert effectivement à fixer la valeur des choses, mais il ne circule pas sous forme de pièces de monnaie. Il faudra attendre assez longtemps quand même pour le voir arriver en Mésopotamie. Et on sait que l'orge sert en particulier pour les petits échanges comme monnaie d'usage, parce que le problème de l'argent, c'est qu'il a une forte valeur et que on ne peut pas acheter une certaine quantité de pain ou de bière avec simplement de l'argent. Donc on voit très bien, en particulier grâce à un texte comme le Code d'Hammurabi, que une bonne partie des échanges se font en payant en orge. Le Code d'Hammurabi que l'on peut voir au Louvre, cette pierre absolument sensationnelle. Mais vous parlez de ce code, il y a toute une législation et c'est un élément majeur pour la Mésopotamie dont nous avons la trace écrite. La législation sur l'agriculture est gigantesque. Ces tablettes cunéiformes nous font rêver. À les lire, il y a quelque chose d'extrêmement répétitif. Enfin, c'est très concret, c'est très pratique. Ce n'est pas que des textes laissés pour la postérité. Non, c'est ce que Jean Bottero appelait nos plus vieux papiers de famille. C'est-à-dire que ça illustre absolument toutes les activités humaines depuis les plus quotidiennes, en particulier. Donc on a des comptes de moutons ou des reçus d'orge par exemple ou de produits agricoles qui permettent, quand on les met en série, de reconstituer très bien le fonctionnement de ce système, à la fois dans le cadre public et aussi dans le cadre privé, parce qu'il y a quand même en particulier au premier millénaire avant Jésus-Christ en Babylonie des familles qui ont des terres et qui les les exploite, mais en règle générale, plutôt sous forme de palmeraies et de jardins que de terres à céréales. D'ailleurs, dans ce que vous venez de dire, toujours en quête de ce progrès porté par les paysans, il y a la comptabilité, il y a l'écriture. La naissance de la trace écrite vient aussi d'une utilité pratique. Combien il y a de moutons, combien il y a de quantité d'orge transportée. Alors ça permet effectivement de comptabiliser les récoltes. Et surtout après, on se rend compte d'établir des normes. Et donc, on va pouvoir prévoir pour une exploitation agricole combien il faut de semences et quel rapport il y a entre la semence distribuée et puis la superficie et exploitée, la récolte qui vient après. Et donc, établir comme ça une norme sur ce que l'on peut attendre de la mise en culture de tel ou tel type de terre. Et à côté de tous ces papiers de famille qu'évoquait Jean Bottero, quand même grand assyriologue, Jean Bottero, l'historien de la Mésopotamie, il y a d'autres écrits qui ne sont pas que des papiers de famille, car eux sont destinés à la postérité. Il dirigea la charrue et le joug. Il creusa les sillons sacrés. Il fit pousser le grain dans le champ éternel. Puis au Seigneur, le joyau et ornement de la plaine, revêtu de sa force, le fermier d'Enlil, à Ekimdu, le dieu des canaux et des fossés, Enki en remit la charge. Le Seigneur fit ensuite appel au champ perpétuel. Lui fit produire du grain gunu. Enki lui fit donner en abondance ses fèves, grandes et petites. Il les amoncela pour le grenier. Marion Malenfant qui nous disait cet extrait-là. Sumérien, Enki et l'ordre du monde. Alors, ce n'est pas l'épopée de Gilgamesh exactement, hein, Francis Johannes, ce texte. Non, c'est un texte plus ancien, en fait, et qui fait agir là, directement les grands dieux de Sumer, et en particulier le dieu Enki, qui est le dieu des techniques et de l'intelligence, celui qui a apporté toutes les connaissances à l'humanité et qui permet en particulier aux paysans de développer l'agriculture. Une mythologie, une construction cosmique où l'agriculture est essentielle avec des éléments, le grain gunu. L'historien que vous êtes, a-t-il la possibilité de savoir ce que sont toutes ces évocations? Ça demande un vrai savoir presque pratique. Alors c'est difficile là. Non, tout ce qui relève de la culture matérielle effectivement nous pose de gros problèmes parce que il y a un vocabulaire de termes qui ont disparu et pour lesquels on est obligé de se pencher sur le contexte ou éventuellement de faire des rapprochements avec d'autres langues sémitiques ou autres pour essayer de trouver le sens. Mais en particulier pour un texte comme celui-ci qui est en langue sumérienne, donc la toute première notée par l'écriture, la tâche est particulièrement redoutable. Adeline Batz, qu'en est-il pour vous, égyptologue? Vous avez beaucoup d'informations entre alors l'archéologie, l'iconographie et les écrits sur papyrus, où pareil, de nombreux éléments échappent encore à l'historienne que vous êtes. Alors effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup d'informations pour l'Égypte ancienne, puisque les macro-restes végétaux se conservent relativement bien dans un climat sec, qui est le paysage égyptien. On a ces fameuses scènes de la vie quotidienne qui sont aussi présentes dans les tombes, qui illustrent toutes les activités que les anciens Égyptiens pouvaient mener. Nous avons aussi la chance aussi d'avoir des textes de la pratique. Malheureusement, malgré tout ça, malgré cette richesse, et puis aussi les données archéologiques, ne les oublions pas, malgré toute cette richesse, nous avons encore beaucoup de mal à ficeler un peu toutes les informations, puisque les textes ou encore l'iconographie alors sont très normés, ce sont des bordereaux de livraison, ce sont des lettres administratives, l'iconographie aussi est très normée, et surtout cet ensemble de sources proviennent de l'élite sociale égyptienne, donc de l'élite aristocratique, et donc vont livrer surtout des visions assez générales ou un vocabulaire que l'on maîtrise encore assez difficilement. Et malheureusement, la frange inférieure supérieure de la population égyptienne, socialement parlant, celle-ci est assez inaccessible, puisque soit elle ne maîtrisait pas l'écriture, et donc du coup n'a pas laissé énormément de traces, soit ces petits paysans avaient des petites exploitations, et archéologiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile de les identifier et de les comprendre, parce que les vestiges sont moindres, et donc du coup sont moins visibles pour l'archéologue. Donc avec effectivement ce panel de sources très important, malgré ça, on a encore du mal à avoir une vision relativement globale et précise de l'agriculture égyptienne. Surtout que nous sommes tributaires de représentations qui ont duré longtemps et de comparaisons. Francis Johannes, mais pour nous éclairer, comparer le système social dans la Mésopotamie avec le servage féodal, et c'est vrai que la lecture pour l'Égypte aussi a longtemps été dominée par une lecture coloniale où nous avons un chef et nous imaginons en fait plaquer nos propres représentations. Pour le dire autrement, Adeline Batz, c'est très dur, faudrait enlever toutes nos représentations pour essayer de saisir le fonctionnement de ce monde paysan dans l'Égypte antique. Oui, c'est un peu la difficulté de l'appréhension des sources, puisque les sources livrent une information qui provient d'un contexte très particulier. Je vous parlais essentiellement des sources qui émanent de l'élite aristocratique. Donc il faut bien comprendre le biais pour pouvoir interpréter la source. Et comme on est dans une civilisation où même s'il y a une maîtrise de l'écrit, l'écrit n'est pas omniprésent comme ça peut l'être plus tardivement durant l'Antiquité classique, même si là aussi on a encore des soucis pour interpréter les sources, même quand on a beaucoup de textes. On a énormément de biais à intégrer et malheureusement, dans notre construction mentale, on va souvent chercher des modèles, des concepts qui sont hérités de notre culture à nous, historiens du XXIe siècle. Et donc, il faut essayer de s'affranchir un peu tout ça, s'affranchir souvent aussi de l'historiographie qui elle-même est orientée par le contexte de l'écriture. Oui, vous opinez de la tête, Francis Johannes. C'est pareil pour la Mésopotamie. Hein. Absolument. Pendant longtemps, on a fonctionné avec ce qu'on appelle le mode de production asiatique, hein, c'est-à-dire l'idée de masse de paysans agissant sous le fouet de leurs dirigeants royaux mésopotamiens. On se rend compte que la situation est beaucoup plus complexe, effectivement, selon les époques. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur le temps long, c'est-à-dire que à chaque fois, on considère 2 ou 3 millénaires de suite, et même s'il y a une forte tradition qui demeure, il y a quand même des ruptures chronologiques à prendre en compte. Merci vivement de le rappeler, Francis Johannes. L'histoire, c'est le temps, et le temps passe, et ce ne sont pas des blocs. La Mésopotamie n'est pas un bloc, l'Égypte antique n'est pas un bloc. Enfin, Adeline Batz, hein, vous bénéficiez à côté de l'archéologie, de l'iconographie et puis des écrits de sources majeures que n'ont peut-être pas ceux qui étudient la Mésopotamie, c'est le cinéma. La loi dit, ne musellera pas le bœuf qui foule le blé, car il écrase aussi la paille dont on fait les briques pour les cités d'Égypte. Tu ne ménageras pas les bras qui vannent sans cesse dans le vent, car ils séparent le grain de la balle. Et le blé chemine à dos d'esclaves. Il va des bateaux lourdement chargés au rivage grouillant d'une île sacrée. À dos d'hommes vont les gerbes, et les dos sitôt déchargés sont chargés à nouveau. De la moisson dorée, le grain va vers les maîtres, et l'amertume vers les esclaves. Et la paille sur les échines des femmes va vers les fosses où l'on foule l'argile. Descendez dans cette vallée de labeur et de mort, qui s'étend aussi loin que s'étend la misère humaine. Descendez dans l'enfer, où les damnés, souillés de glaise, foulent, sous le fouet cinglant des maîtres de corvée, la paille et l'argile dont on fera les briques pour la cité de Pharaon. Un extrait des 10 commandements, le film de Cécile B. 2000 en 1959, Adeline Batz. Là, nous avons une concentration de représentation, mais c'est très intéressant. En soi, malgré tout, et comme tout document, il y a quelque chose à en tirer. Ici, l'idée est associée entre l'agriculture, le surplus, la paille, la fabrication et les cités de Pharaon. La question des villes se pose. Est-ce que l'agriculture a permis la naissance des cités ? Alors, effectivement, la production massive d'aliments permet d'entretenir une communauté plus importante. C'est en son sens aussi que l'agriculture et l'urbanisme sont liés. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait une cité, il faut qu'il y ait un arrière-pays avec aussi une population rurale qui se répartit selon des petits hameaux ou des villages, des petites concentrations, même des fois aussi des fermes isolées, qui sont aussi connues dans les textes égyptiens de façon très sporadique, mais on a quand même des attestations. Donc il y a souvent deux mondes d'ailleurs qui s'opposent, et dans les textes égyptiens ils ont coutume de dire dans la campagne et dans la ville, de façon à opposer quand même ce monde rural et ce monde urbain. Dans la réflexion que nous avons sur le progrès grâce aux paysans, ou peut-être l'évolution, parce que le progrès signifie que nous allons vers quelque chose de positif, Francis Johannes, dans la Mésopotamie, ces grandes civilisations avec ces cités qui nous impressionnent aujourd'hui encore, eh bien, il faut qu'il y ait un surplus de production de façon à ce qu'une partie de la population soit laissée libre d'aller fabriquer ces cités et éventuellement d'être soldat, de faire la guerre. L'agriculture, c'est vraiment au cœur de cette réflexion. Oui, et c'est la particularité de l'agriculture irriguée par rapport à ce qu'on évoquait au tout début, l'agriculture sèche, c'est que l'agriculture irriguée permet des rendements beaucoup plus importants, et donc l'accumulation de surplus, le fait qu'on puisse mettre en réserve ces récoltes pour le reste de l'année, et nourrir une population qui n'est plus une population de producteurs liés à l'agriculture, mais qui se consacre à d'autres activités. Et à ce moment-là, on voit effectivement se développer les premières agglomérations urbaines dans le sud de la Mésopotamie, avec une société qui est déjà hiérarchisée à la fois verticalement, pourrait-on dire, avec des pauvres et puis des personnes ayant plus de ressources, et puis surtout une diversification horizontale avec des activités très, très différenciées, agriculteurs mais aussi artisans, et puis tout ce qui est lié aux activités administratives ou culturelles. Francis Johannes, vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un des directeurs de cette somme, la Mésopotamie, chez Belin. Et puis, dans cette étude que vous avez réalisé sur la Mésopotamie, ce regard que vous portez sur ce territoire, ben c'est un peu comme l'Égypte. Bien souvent, nous focalisons sur la bataille dans l'histoire, l'historiographie. Nous focalisons sur la grande cité, la fouille. La fouille nous impressionne, la ziggourate exceptionnelle. Le regard à porter sur l'agriculture est le liant de l'ensemble de cette histoire. C'est ce fil à tirer qui permet de comprendre comment une ziggourate peut être construite. Oui, une bonne partie de nos sources, en fait, ce qu'on appelle les textes de la pratique, est quand même en relation directe avec les activités agricoles, tout ce qui peut être enregistré, comptabilisé et servir ensuite, puisque les produits agricoles, une fois qu'ils sont arrivés en ville, eh bien, ils servent à la fois à nourrir les gens, mais aussi on les trouve, ils sont injectés, pourrait-on dire, dans des circuits commerciaux. Alors, il n'y a pas seulement les céréales, par exemple, il y a les dattes qui sont la grande particularité de la Mésopotamie. Les dattes servent à faire de l'alcool de dattes, qu'on a appelé la première bière, et se met ainsi en place un circuit commercial où l'on voit certaines familles posséder des palmeraies, et à partir de ces palmeraies récolter des dattes, donc qu'elles transforment en bière, acheter des cabarets dans lesquels ils mettent leurs esclaves, qui sont ensuite chargés de commercialiser cette bière. Donc il y a tout un système économique, tout un circuit économique qui part de l'agriculture et des productions agricoles, et qui aboutit à la vie urbaine, enfin, et à la vie sociale caractéristique de cette région. Et dans cette histoire paysanne, il y a la nécessité pour les acteurs principaux de toujours innover. Vous nous parlez des dattes. Bon, il faut les transporter, ces dattes. Alors, il faut développer le tissage, il faut développer la vannerie, il faut développer plein de choses. Et puis, dès qu'il s'agit d'alcool, là, c'est la poterie qui rentre en jeu. Oui, alors même si c'est de l'alcool fermenté, on n'a pas encore inventé la distillation, mais il faut pour conserver et pour traiter tous ces produits agricoles, effectivement, un artisanat en aval qui est absolument fondamental. Et en particulier, alors on a moins de données précise pour la Mésopotamie que pour l'Égypte sur ce plan-là. La question de la conservation des céréales dans les silos, par exemple, comment fait-on pour conserver sur la longue durée des céréales sans qu'elles s'abîment et qu'on puisse les utiliser donc assez, assez longtemps? Bah, on peut demander la question à Adeline Batz, parce que dans l'Égypte, il y a là aussi, hein, comme partout, la nécessité de stocker des céréales, mais nous l'oublions souvent, c'est extrêmement dur de stocker des céréales sans qu'elles ne pourrissent, sans qu'elles ne se transforment. D'où les silos, mais fabriquer un silo demande une vraie connaissance de la manière dont est aéré ce qui est stocké. Oui, effectivement, les modes de stockage traditionnels sont relativement peu connus aujourd'hui parce que c'est un savoir que nous avons perdu, nous, Européens du 21e siècle. Et d'ailleurs, même au 19e siècle, on avait déjà aussi complètement oublié comment stocker ce type de céréales puisque des agronomes du 19e siècle vont essayer de redécouvrir les silos souterrains que l'on a en Europe pour l'époque protohistorique ou encore médiévale. Donc, il y a vraiment une perte de savoir. Néanmoins, les Égyptiens, les Mésopotamiens, eux, maîtriser totalement cette technologie de conservation des graines, souvent des conservations qui sont dans des proportions, dans des volumes relativement importantes, puisqu'en Égypte, dans le sud de l'Égypte, à Edfou, on connaît des silos qui faisaient presque 6 mètres de diamètre pour une élévation qui était plus ou moins équivalente. Donc on a vraiment des volumes extrêmement importants à stocker, stocker tout simplement pour pouvoir conserver en prévision de pénurie, de famine ou même de besoin, par exemple, équivalent. Une armée. Donc on a vraiment un savoir très important que l'on a encore énormément de peine à redécouvrir aujourd'hui. On a plusieurs projets d'archéologie expérimentale qui tentent de redécouvrir ce savoir, mais on se rend compte néanmoins que les Égyptiens anciens ont quand même basé la conservation de leur stock céréalier sur une technologie principale, à savoir la conservation en silo, qu'il faut distinguer de la conservation en grenier qui se fait, elle, par une aération du stock céréalier de façon à ce que les gaz inflammables soient éjectés dans l'atmosphère. Donc on sait que les Égyptiens pratiquaient surtout le stockage en atmosphère confinée, dans des superstructures importantes en briques, des superstructures aériennes en dôme, mais le fonctionnement exact, le processus chimique de conservation est aujourd'hui encore relativement inconnu. C'est ce mystère qui nous plaît, Francis Johannes, et à l'inverse, c'est cette capacité d'innovation qui nous fascine. Car ce qui a été mis en place il y a plusieurs millénaires, par exemple en Mésopotamie, eh bien fonctionne encore. C'est ce jeu de va-et-vient entre le mystère et puis l'efficacité. Oui, et on peut citer enfin ce qu'avait élaboré un sumérologue qui s'appelait Thorkild Jacobsen, qui était très intéressé aussi par les aspects archéologiques, qui avait vu dans la célèbre déesse Ishtar, donc qui est la grande déesse mésopotamienne de l'amour et des activités amoureuses, à l'origine il y voyait le mystère qu'avait pour les agriculteurs la faculté qu'a le blé, enfin ou qu'ont les céréales, de se conserver dans le silo. Donc ils y voyaient une intervention divine, et c'est à ça qu'on a d'abord assimilé la déesse Ishtar, cette faculté du grain de se conserver pendant plusieurs mois. C'est une histoire passionnante parce que à partir de l'agriculture, nous savons que nous pouvons raconter l'histoire de civilisation entière. Merci vivement à tous les deux, Adeline Batz, Francis Johannes, de nous avoir fait voyager et donner ces pistes de réflexion sur ce monde paysan, moteur du progrès. Francis Johannes, je rappelle, la Mésopotamie, dont vous êtes un des directeurs de Gilgamesh à Artaban. Ça, voilà, c'est à travers les millénaires, mais on voit l'évolution. C'est pas qu'un bloc. Merci beaucoup à vous deux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment peut-on faire l'histoire des baiseurs de vaches? L'historien Antoine Follin a édité récemment les actes d'un procès intenté en 1575 à Claude Collet, un jeune paysan des Vosges condamné à mort pour bestialité, en proposant un programme de recherche sur un aspect très mal connu de l'histoire des mœurs et des sexualités à l'époque moderne. L'insulte « coup guihère », littéralement « baiseur de vache », était une injure que s'envoyaient fréquemment à la figure les protestants, les catholiques suisses à l'époque de la Réforme. Mais elle était assez répandue aussi dans la montagne vosgienne. La répression de ce qu'on appelle la zoophilie, fut une constante de la religion chrétienne, puisqu'on la trouve déjà mentionnée dans la Bible. Pourtant, il semble que le monde judéo-chrétien ait été le seul parmi toutes les grandes civilisations à punir de mort une telle pratique. Dans l'Inde ancienne, par exemple, il était moins grave de forniquer avec un animal qu'avec une femme d'une caste inférieure. En Europe, c'est au XVIe-XVIIe siècle que la répression de cette pratique sexuelle a été la plus forte. À partir de la Révolution, seuls subsistèrent dans la loi française le scandale public et l'atteinte aux mœurs, invoquées notamment pour sévir contre les exhibitionnistes. Pourtant, la question fait de nouveau débat aujourd'hui. Sous l'impulsion des associations de défense des animaux, la plupart des pays européens ont adopté des lois réprimant cette pratique. Dans le même temps, la zoophilie est revendiquée par certains comme une orientation sexuelle qui devrait être admise par la société comme elle a su accepter l'homosexualité. Aux États-Unis, le mouvement Zoophiles for the Ethical Treatment of Animals a même défendu cette pratique au nom de l'amour pour nos amants les animaux, organisant des campagnes contre la diffamation ordinaire et institutionnalisée à l'égard des zoos sexuels. Sans porter de jugement de valeur sur ce genre de polémique, les historiens se sont interrogés sur la fréquence de ces comportements sexuels sous l'Ancien Régime. Rappelons qu'au XVIe siècle, les hommes devaient attendre l'âge de 24-25 ans pour se marier et même 27-28 ans au XVIIIe siècle. Toute activité sexuelle étant proscrite avant le mariage, on peut penser que les rapports sexuels avec des animaux étaient une manière de contourner la loi pour certains paysans. Faire l'histoire de cette pratique est néanmoins difficile car les sources écrites sont très peu nombreuses. Cela ne signifie pas que ce genre d'acte ait été rare, mais l'exemple du jeune Colet montre que c'est seulement lorsque des conflits opposaient des villageois entre eux qu'il était dénoncé aux autorités judiciaires. L'acte fut jugé si détestable, le crime si énorme, le péché si grand, que seule la mort pouvait le punir. La sentence prévoyait que Colet serait attaché sur une claie, traîné jusqu'au lieu de supplice par la jument même qu'il avait souillée. Après avoir été mis à mort, les corps de l'homme et de l'animal devaient être détruits par le feu et les cendres dispersées au vent. Mais rassurons les défenseurs des animaux. Finalement, la jument, qui n'y était pour rien, fut épargnée par la justice. Merci Gérard Noiriel de nous avoir rassurés. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yara. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Gudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Valentine Lovrens. Merci à Marion Malenfant pour les lectures. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.